votar para cambiar el BPI. Puedes votar para cambiar el BPI. Puedes votar para cambiar el BPI. La, ¿se va mejor? Puedes votar para cambiar el. No, yes, Sandy, it's okay, it's okay. I just want to change the BPI. Because the structure, je sais pas si on dit, this song is simple, but they change and says. Ah merde, comment on dit 16 fois, putain, j'ai pas envie de parler anglais, en chantant. Ok, bon, faut voter quoi, en fait. De toute façon, attends. Bon, vous savez pas voter en fait. Si vous sortez et vous revenez, je pourrais voter pour vous, mais. En fait, il faut une personne qui vote. Just one. One person must vote to change the BPI. And after, I could play my song. Ah, voilà, Cobra. Thank you, Cobra. Okay, alors, the chord is... I record the chord. Thank you. veux garder toute ma vie. L'image d'une mère qui aide autrui. Avec un cœur toujours rempli. De compassion et d'empathie. Aujourd'hui tu ne souffres plus. Et ton corps ne tremblera plus. Ces moments auprès de toi. J'ai pleuré de désarroi. Thank you. a song for my mother. Elle est partie. Elle est au paradis. Merci, John. If you want to play solo, I could play just without chorus, without lyric. If you want to play solo, come on. 1, 2, 3, 4.